Et un espace public, si tu veux aller enregistrer, tu vas en studio, tu payes. Et ils sont pas contents. Donc maintenant, je suis là. Tant que c'est public, je reste. Puis bon, bah, tant que c'est facile, les mecs, comme tout à l'heure, là, ils restent. Et puis dès qu'on commence à monter le niveau, pof, ça se barre. Moi, ça me dérange pas. Ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils Message veulent. sera enregistré sur le player. Ce message est adressé à Bah, à Torben, Stringer. c'est pareil, là. Et je Ma vois pas force ce n'est qu'il pas vient avec faire toi, là-dessus. Stringer. T'as raison, Phil. Attends, je joue pas Viens, avec du côté lui. Il m'a obscur. acheté plusieurs fois de ses trucs parce qu'il aimait pas ce que je faisais. Moi, je l'évite, je joue pas avec. Qu'est-ce qu'il vient ramener sa fraise? C'est pour ça que t'as le dernier poste que j'ai fait. Je leur ai dit, mais je vois pas en quoi je vous dérange. On n'est jamais ensemble. Le plus de temps qu'on a passé, c'est sur le forum à s'échanger des invectives. Mais sinon, à faire de la musique dans un jam, ils sont jamais là. Je vois pas en quoi je les dérange. Mais je lâcherai pas le morceau. Never give up. Et apparemment, Faire Singer, une ça lui a pas plu Mortal dédicace. Kombat. T'as vu les petites vidéos que j'ai mis? Moi, je trouve ça génial, le Russe qui a fait ça. Il a fait des parodies de Mortal Kombat, le jeu, là. Oh, putain. Finish him. Allez, fatality, paf. Je voudrais Enfin, on voit dédicacer leur vraie ce message personnalité, hein, donc. à Monsieur Jos, mon ami, Ah, je me suis pas fait le que des grand amis, lui. Jos. Hein. Moi, je dis ce que je pense, et puis toi, moi, je suis cash. Ah bah, j'ose même pas jouer avec lui. À chaque fois que j'étais là, j'étais jouer avec lui. Dès que t'as fait deux mesures et puis que ça commence à prendre une autre tournure ou que tu prends un peu le dessus sur la mélodie, il se barre. Jamais d'échange dans le chat, jamais une discussion, jamais rien. Donc, en fait, on ne l'intéresse pas. On fait pas partie de son monde. Bah Bon, ouais. c'était un Il y en a qui font du one-man piano, bah, show, il y en a qui font Jaws. de l'acide jazz, On a bien compris. du gnangnan jazz, du Inaccessible. brut jazz. Mais n'empêche que mon pote le dernier, il y a longtemps qu'il m'a pas fait chier, lui. On a passé l'année sans altercation, là, c'est. Là, il reste plus que 15 jours avant la fin de l'année, il s'est rien passé. Hein. Je vais faire une dédicace à tous les garçons. Voilà, T'as vu mon dernier post j'attends fil là, justement, je leur dis maintenant je pour m'intéresse Noël, qu'à la musique, faire des jams, j'aimerais bien shredder, me sortir un s'entraîner, gros faire instrument. des licks, faire écouter de la Oui. musique aux copains. Je leur ai dit voilà, moi je n'ai là-dessus pour faire ça. Donc leur truc maintenant, j'en ai plus rien à Moi, je foutre, veux pas de et jam. j'ai pu y répondre. Joyeux Noël. C'est qui ça qui cause là, Ben? Allez, à bientôt. Oh, joyeux Noël. Je suis C'est qui, nouvelle Ben? sur une botte et voilà, j'aimerais bien que tous les musiciens ils sortent un gros instrument. Bah ouais, le forum. Attends, C'est ma. quand on fait voir des vidéos, bon, c'est Mon entre nous, on se fait dédicace. plaisir à se passer des vidéos. Moi, de temps en temps, je mettais un peu de théorie, je mettais des choses sur les gammes et sur la théorie. J'ai vu qu'il pompait pas mal parce que quand je vois le nombre de connexions, là, donc il pompe tout ce que je mets de technique. J'aurais plein d'autres choses à mettre, mais je me dis, je fais plus rien, toi. Y a pas un mec qui te dit merci, y a pas un mec qui dit quoi que ce soit, toi. C'est un forum de musique, on parle jamais musique ici. En fait, c'est la génération iPhone, On peut pas tablette. faut qu'ils puissent mixer. Et toi, ils mixent sur des tablettes, sur des iPhones, sur leur PC. Mais bon, jouer de la musique, non. Ils connaissent pas les principaux morceaux qui ont marqué la génération rock. La génération Woodstock, ils connaissent même pas. Ils connaissent rien. Les gros nazes. Bon, le Ben, tu sais qu'on est à 300 km l'un de l'autre, hein. Je vais prendre ma bagnole, je vais te mettre un coup de boule. Ouais, ils connaissent Lady Gaga, David Guetta. David Guetta. Ils savent faire du disco. Faire un loop sur deux mesures qui tournent pendant une heure, ils savent faire. J'aime bien Lady Gaga. Elle a des beaux yeux. C'est pour faire chouchou avec un fou. Eh Ben, t'en es à ton combien d'apéro là? T'as pris combien d'apéro depuis tout à l'heure là? Hein? T'as commencé l'apéro hier soir et tu t'es pas arrêté jusqu'à maintenant? Et Donald, par contre, il est complètement bourré. Bah, c'est ce que j'ai fait moi aussi, Phil. Tout à l'heure, il y avait du monde. Parce que toi, je me mettais au synthé avec la guitare, avec mon nouveau pote, c'est ce que je fais là. Donc je fais des accompagnements, je fais des contre-chants. Mais je fais pas de solo, toi, je fais des contre-chants. Quand je fais pas de solo, il reste. Et puis dès que tu veux prendre un peu la guitare, bah, ils t'accompagnent plus. Ils arrêtent. Donc tu peux pas jouer. Par contre, faire tourner en rond, toi, juste un accompagnement sans mélodie, ça, tu peux faire tourner des heures. Hein. Une batterie à la con, et puis une ligne de basse, et puis un contre-champ à la con, ça oui, ça peut durer des heures. Mais dès que tu commences à vouloir développer des lignes mélodiques, faire des leaks, des trucs un peu barrés, bah non, ça suit pas. T'avais fait chier. Enfin, bref. Bon, sur ce, avec ma vraie voix, je vous souhaite une bonne soirée parce que je vais prendre l'apéro en vrai. À bientôt, los amigos. Oui, là, avec mon dernier poste, ils vont encore en mettre 3 ou 4 couches. Bon, il y a quelques mecs sympas qui sont venus quand même, là, les Marcelo. C'est des. À toi aussi. Mais moi aussi, il faut que j'aille le prendre en vrai. Et puis madame, elle va râler, là. Allez, ciao.